Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Gémozo pour l'émission La parole est à vous. Avec Valence. Oui. Cabarari. Je vais dire du premier coup maintenant. Alors, on se retrouve. On a déjà fait deux émissions ensemble. Hein, pour parler d'un sujet particulièrement d'actualité, puisque c'est les 25 ans, malheureusement, du génocide du Rwanda. Alors, pour en parler avec Laurence, on va d'abord rappeler qu'il y a une exposition du 10 au 24 septembre à la médiathèque intercommunale des Hauts-de-Vosges, à Vannier, bien sûr, place de la Libération. Alors, il y a Rwanda 1994-2014, l'œuvre des veuves, c'est une exposition, Tutsi, paroles de rescapés par les rescapés eux-mêmes. Et puis conférence, par Valence, bien sûr, le jeudi 19 septembre à 17h. Alors, rappelez que Valence avait 7 ans quand commence le génocide des Tutsi au Rwanda en avril 1994. C'est un témoignage unique et une occasion d'échanger sur ces événements sensibles. Voilà, Valence, eh bien, rappelez quand même un petit peu ce qui t'a amené, bien sûr, à écrire ce livre, vivant, hein, parce que là, on n'en parle pas dans la fiche de l'exposition, mais c'est quand même un livre à découvrir, hein, parce que là, ça relate bien cette tragédie horrible du génocide du Rwanda, dont on a parlé beaucoup lors des émissions précédentes, mais dont il faut toujours parler, parce que je crois que c'est une leçon d'histoire, c'est une leçon que l'humanité doit retenir pour éviter le retour de tels faits absolument inacceptables. Donc un petit peu d'un résumé, si tu veux bien, des épisodes précédents, hein, puisque au cours de ces deux émissions, on a eu le temps cet épisode particulièrement difficile et sanglant d'un enfant de 7 ans là qui voit sa famille massacrée, qui est obligé de fuir, qui manque plusieurs fois d'échapper à la mort, hein, qui sort indemne, fort heureusement, du génocide, mais jusqu'au bout de cette histoire terrible, il finit donc par être délivré par les armées de l'Ouganda avec qui est à la tête déjà. Oui, c'est l'armée rwandaise parce que l'armée libre du Rwanda, mais voilà. Appuyée quand même par l'armée ougandaise. Appuyée. Là, on ne sait pas encore jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'ils étaient en Ouganda, donc ils étaient réfugiés en Ouganda. Ah oui, ils étaient réfugiés en Ouganda. La majorité de ce Rwandais, ils étaient déjà dans l'armée ougandaise. Donc c'était des réfugiés rwandais en Ouganda qui, je dirais que le métier le plus simple en Ouganda à cette époque-là, c'était l'armée. Parce que déjà ils aidaient aussi Museveni, ils ont aidé Museveni à prendre le pouvoir en Ouganda. Donc voilà. Et après ils se sont organisés pour rentrer au Rwanda par force, parce que depuis le début ils avaient demandé rentrer au Rwanda. Donc c'était des Rwandais qui voulaient rentrer au pays, mais le président Habyarimana au pouvoir, il avait fermé les frontières. Et du coup, ils ont été obligés de rentrer. Sauf que c'est par la force. Et du coup, c'est en ce moment-là qu'ils aussi se préparaient un génocide. Donc, aujourd'hui, beaucoup disent que donc là, c'est à cause de cette guerre, en fait, des Rwandais qui rentraient au Rwanda, qui a causé un génocide. Parce que pour eux, vu que c'était des Tutsis réfugiés depuis longtemps, depuis l'indépendance. Et donc, il disait que c'est pour ça que le génocide c'est les Hutus en fait qui s'est révolté pour éliminer les Tutsis. Sauf que quand on regarde en fait l'histoire, quand on regarde ce qui s'est passé à 94, on voit que ce génocide-là, il n'a pas été préparé pendant 4 ans parce que la guerre a commencé à 90 et le génocide commence à 94. Mais on voit que donc là, quand on voit tout ce qui s'est passé, on voit que c'est pas préparé que dans ces 4 ans. Donc on voit que c'est quelque chose. Enfin, c'est un projet, en fait, de préparer vraiment, vraiment depuis longtemps. C'est tout qu'en ce moment-là. Oui, parce que là, il y a un décalage aussi entre le début du génocide et puis l'arrivée de cette armée sur le territoire du Rwanda. Hein. Oui, parce que... Hein, parce que c'est au mois d'avril que tout commence. Oui, sauf que oui, non, en fait, l'armée donc de FPR, donc Front Patriotique Rwandais, ils sont rentrés déjà de la frontière de l'Ouganda en 90. Donc oui. Ça veut dire que ça faisait 4 ans déjà qu'ils se battaient contre l'armée régulière rwandaise, en fait. Sauf que pour moi, donc ce que je dis, c'est que quand on voit comment ça s'est passé ce génocide, c'était pas à l'entrée, même si on se dit le FPR, quand le FPR entre au Rwanda, ce génocide il peut pas se préparer donc dans ces 4 ans, quoi, c'est pas possible. Et aussi il y a autre chose aussi, il y a pas si longtemps, je discutais avec quelqu'un, on parlait justement de cette histoire là, et du coup on se rend compte en fait quand on regarde vraiment l'histoire du Rwanda, surtout avec des Rwandais qui étaient au Rwanda, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on découvre même jusqu'aujourd'hui. Donc, il n'y a pas si longtemps, je parlais avec donc, un ami rwandais, il me disait, mais c'est vrai que ce projet du génocide, c'est un projet préparé depuis longtemps, même dans l'esprit des Rwandais. Il me dit, par exemple, quand on voit qu'au Rwanda, dans les écoles, on apprenait la Deuxième Guerre mondiale, mais on nous a jamais appris la Shoah. Donc, on savait pas, enfin, on nous parlait de Deuxième Guerre mondiale et des alliés, de tout ce, comment ça s'est passé, mais on parlait jamais de génocide contre les Juifs. Ça, on n'en parlait jamais. Même les adultes qui ont fait des études au Rwanda, jusqu'à l'école supérieure, comment dire, on n'en parlait jamais. Nous, on a découvert ça. Moi, j'ai découvert la première fois qu'il y a eu un autre génocide, c'est le jour où je suis rentré dans le mémorial de Kigali. Parce que dans le mémorial de Kigali, il y a une partie, une grande partie, donc, qui est dédiée au génocide de contre les Tutsis. Après, il y a une autre partie, dédiée au génocide contre les Juifs. Une autre sur les Arméniens. Et après aussi, les Cambodgiens. Donc, ils ont essayé de raconter toutes ces histoires-là. Donc, quand on rentrait dedans, donc, on découvrait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et là, c'est la première fois que j'ai vu qu'il y avait d'autres peuples qui ont été génocidés. Moi, je savais pas du tout. Et là, on se rend compte que c'est vraiment tous les Rwandais, au fait. Mais t'as fait des études jusqu'à quel âge, finalement? J'ai fait mes études jusqu'à... Donc, moi, j'ai eu mon bac à 17 ans. Donc, c'est là où je suis parti du Rwanda, déjà, parce que j'ai fait mes études et l'école primaire jusqu'au bac Rwanda. T'as pu reprendre quand même ta scolarité à 7 ans, quoi. Ah oui, parce que. Quand tu échappais. Oui. Au massacre. Parce qu'en fait, ce que je raconte aussi dans le livre, c'est que, une fois récupéré par l'armée du FPR, là où on était caché. Moi, je me suis retrouvé donc dans une orphelinat de militaire, parce que en fait, il y a un moment, il y a une dame qui le raconte bien, c'est une dame qui nous, parce que là, dans l'orphelinat où on était, c'était gardé par une femme qui était capitaine ou major dans l'armée du FPR. Donc, elle a été chargée justement de s'occuper des enfants. Parce que c'est vrai que l'armée du FPR, en fait, ils se battaient contre l'armée l'armée génocidaire. Mais en même temps, ils s'occupaient aussi des rescapés. Donc, il y en a qui s'improvisaient à créer des orphelinats comme ça. Donc cette dame-là, par exemple, c'est elle qui nous... Et les ONG européennes s'occupaient aussi Au fait, les ONG européennes, c'était plus tard, un peu après. Une fois, justement, que le FPR a libéré le Rwanda. Je me souviens qu'il n'y a pas... Je me souviens qu'en arrivant en France, souvent je regardais des vidéos sur INA, surtout quand je faisais ma formation d'audiovisuel à l'INA. Je regardais les vidéos sur le site de l'INA pour voir à cette période-là de ce que les médias français montraient aux Français. C'est là où je me suis rendu compte, fait, que de ce qu'on montrait aux Français, c'était tout ce qui se passe du côté de génocidaires, en fait. Ça veut dire que les journalistes français, enfin, c'est normal parce qu'ils étaient avec l'armée française. Je me rappelle que même jusqu'à aujourd'hui, des fois, quand je regarde à la télé, quand on essayait d'illustrer, en fait, la commémoration, par exemple, pour les 25e commémoration, j'ai regardé un petit reportage sur une chaîne télé info. Et là, je vois les images qu'il montre. Il montre même jusqu'à aujourd'hui, c'est les images des génocidaires qui quittaient le Rwanda, parce que le FPR justement venait de libérer le Rwanda. Donc tous les génocidaires quittent le Rwanda pour se réfugier au Congo. Et c'est ça les images qu'on montre en disant génocide contre les Tutsis du Rwanda. Donc je me rends compte, en ce moment-là, pendant le génocide, il y a une partie, donc, comment dire, plus l'armée du FPR, en fait, avance pour récupérer le Rwanda, plus aussi il y avait une partie, donc, de l'armée donc, Hutu, avec des génocidaires, avec tout ça, qui quittait le Rwanda vers le Congo. Surtout le Kivu, non? Voilà. Dans Donc, le, oui, oui, dans le, oui, dans le. c'est la province du Congo qui est limitrophe, c'est le Kivu, il me semble, C'est non? qui vaut, oui. C'est là où, toujours aujourd'hui, parce que c'est, parce qu'en fait, la Ben, comment dire. là aujourd'hui, il y a des troubles qui Ah continuent dans cette oui. partie du C'est à partir Congo. de ce jour-là, en fait. Et C'est on à en partir. parle peu, hein, mais. On n'en parle plus, mais c'est à partir de Et ce puis jour-là. là, il y a quand même des, comment qu'on pourrait dire, des atouts économiques, enfin, des mobiles économiques assez puissants, Exactement. avec le coltan en Oui, de toute particulier. façon, c'est la partie la plus riche du Congo. C'est la partie là qui est à la frontière, en fait, du Rwanda. C'est la partie la plus riche du Congo, je crois. Et là, donc là, il y a ce qu'on a appelé l'opération turquoise, donc par les Français, zone turquoise. C'était justement la zone, en fait, à côté du Congo, où ils ont, comment dire, ils ont occupé, les Français ont occupé cette partie-là pour pouvoir laisser une sorte de couloir, en fait, pour faire quitter les Rwandais, quoi, les Hutus qui venaient de C'est commettre surtout le des Hutus. génocide. Voilà. Oui, c'était les Hutus. Et là, donc, tous les caméras, tous les ONG, c'était là, quoi. Même Tu as réussi à retrouver donc avec Lina donc des prises de vue de l'époque? Ah oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images. Il y a une image qui m'a fait un peu Qui sourire. influençait forcément les médias françaises à cette Ah époque. oui. Donc là, Les correspondants de presse. cette image-là, c'était une pub de, je crois que c'est Secours Populaire ou un truc comme ça. En tout cas, c'était une pub pour demander aux Français de faire un don pour justement des rescapés. Mais là, c'était justement pour aider justement les génocidés qui venaient de quitter le... En fait, c'est pour vous montrer l'image de Rwanda en ce moment, enfin à cette époque-là. Le Rwanda à cette époque-là, en fait, c'était tous les ONG, en fait, c'était aux côtés de ces génocidaires-là. Et nous, les Tutsis, donc qui venaient d'être sauvés par l'armée du FPR, parce qu'il faut savoir qu'en ce moment-là, l'armée du FPR était toujours Il n'y avait pas considérée comme... d'ONG qui venait au secours des Tutsis qui avaient été victimes du génocide. Ça, c'est Très vraiment peu. plus tard. Ça, c'est vraiment C'est plus tard. vraiment plus tard. C'est vraiment plus tard quand, justement, au moment où on accepte que le FPR a pris le pouvoir, que le FPR devient, en fait, comment dire, légitime, et Un au pouvoir pouvoir légitime. légitime. Et c'est là où on a commencé à avoir des ONG qui sont venues et tout ça. Mais sinon, au début, non, c'était vraiment les soldats de FPR, en fait, qui s'occupaient de nous, quoi. Moi, là où j'étais dans l'orphelinat, justement, de l'armée des FPR. Là, c'est là où j'ai commencé, justement, l'école. Donc, on faisait des études, on était assis par terre, on dormait par terre parce qu'on n'avait pas, on n'avait Il n'y a pas de plus rien, quoi, matelas, il tout n'y avait était rien du détruit. tout, il n'y avait rien du tout. Donc, nous, on dormait par terre. Et de ce que je racontais, le quotidien, je racontais dans le livre, justement, où on dormait, là où on faisait les cours, c'est la même, c'est là où on mangeait aussi. On nous donnait le matin, on se levait pour aller boire un peu de, on nous donnait un peu de tasse de bouillie. Après, on allait se brosser les dents, donc avec un brosse à dents, avec voilà, on nous donnait un petit peu de dentifrice. Après, donc c'était le quotidien. Et après, le matin, on se levait pour aller faire comment dire, pour aller courir. On faisait beaucoup de sport. Et après, on chantait. Après, voilà. Et là, c'était de avril, parce que moi, j'ai été sauvé quand C'est même en avril. une éducation quand même assez militaire. Oui, exactement. On avait vraiment une éducation assez militaire. Donc, c'était, oui, on était avec des militaires, quoi. Donc, il fallait suivre leur rythme, en fait. Mais en même temps, c'était vraiment dire. Moi, je me rappelle que c'était Mais vraiment très, très comment ça dur. s'est passé, cette reconquête du pouvoir par le FPR, finalement? Ça s'est fait en combien de mois, en combien de... Combien de mois, en fait, Ah, parce que tu décris dans ton livre le moment où tu te retrouves un petit peu entre les deux feux, là, puis tu es récupéré par le FPR. Oui. Mais là, je suppose quand même que la reconquête du pays n'était pas effective encore. Ah oui, non, encore, non, Avant non, que non, pas du tout, parce que. Kigali, tout ça, soit reconquise, je suppose qu'il s'est passé quand même un certain temps. Oui, au fait, moi, ce que je raconte aussi, oui, dans le livre, justement, c'est que comment dire, j'avais une chance et un malheur en même temps d'être sur une colline d'Ojali, donc c'est une colline à Kigali. Cette colline-là, il y avait un cas de gendarmerie, donc avant même dirigé par les Français avant. Donc nous, au moment où le génocide commence, donc le 7 avril, nous, la réflexe, c'était de se réfugier à côté du camp de gendarmerie. Donc pour moi, on croyait qu'on allait être protégé par les gendarmes. Sauf que quand on arrive là, C'était tout le contraire. c'était tout le contraire. Et les gendarmes, ce qu'ils ont fait, c'est que, sauf que quand on se réfugiait, on n'était pas non plus naïf. On savait qu'ils allaient pas nous protéger. Mais c'est tous mes parents, en fait, ils disaient. S'ils ne nous protègent pas, ils vont nous tuer, mais au moins ils vont nous tuer par des balles. Parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, pour mourir avec une balle, il fallait payer. Donc, Ah bon? ah oui, il fallait payer. Il y a beaucoup, beaucoup qui ont payé pour avoir la balle, il fallait le payer. Autrement, Donc, c'était la torture, c'était la c'était des torture, c'était des machettes, machettes, c'était des c'était horrible. gredins, c'était, voilà. Donc, et là, donc, mes parents, ils ont dit, on va vers les gendarmes. Au moins, on va les énerver. S'ils nous protègent pas, ils vont nous tirer dessus. Donc, voilà, on va mourir à part des balles. Et sauf que quand on arrive là, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont, ils ont, Encerclé. ils ont, voilà, ils nous encerclent. Après, ils appelaient donc les Hutus pour venir avec les armes traditionnelles. Donc, les machettes et tout ça. Et là, ils arrivaient, ils commençaient donc à tuer. Et quelques personnes arrivaient à s'échapper pour aller se cacher dans les ruisseaux aux alentours, Dans toi? dont moi. Et à la fin, les gendarmes y faisaient des patrouilles pour nous chercher, pour nous retrouver. Et ils nous ramenaient encore au même endroit. Ils nous encerclaient. Donc c'était ça depuis le 7 jusqu'au 13. Jusqu'au 13 avril. Donc là où je dis que c'était une malchance en même temps, une chance, c'est que là, on n'était pas beaucoup, on n'était pas nombreux non plus les Tutsis. Là, on était, je crois, on n'était pas très très nombreux. Donc, au bout de 3 jours, il restait peu, quoi. C'était déjà des survivants, quoi. Voilà. Donc, au bout de 3 jours, il restait très très peu de Tutsis. C'est pour ça que moi, j'étais vraiment dans les derniers. On n'était pas beaucoup, on était une cinquantaine, enfin, on était une centaine ou une cinquantaine, quoi. Et Beaucoup des donc, gosses. il y a beaucoup des enfants, c'est tout. Beaucoup des enfants et des femmes, parce que Les il faut femmes. savoir qu'on tuait beaucoup, c'est tout, les jeunes hommes. Et voilà, les hommes, c'est tout. Donc, là, il restait plus des enfants, plus des femmes. Et là, justement, là où on a eu la chance, c'est que, donc là, il restait peu. C'était vraiment notre dernier jour. Parce que vu qu'on était peu, donc c'était facile de nous éliminer d'un coup. Et là, on attendait. Au bout d'un moment, nous, on était fatigués aussi. Au bout d'un moment, il y a un moment où on se dit, vaut mieux mourir, en fait. Parce que là, ce qui faisait peur, c'était pas la mort. Ce qui nous faisait peur, c'est la façon Vous alliez de, mourir. voilà. Je me rappelle que quand on racontait, je me souviens qu'il y a, il y a, il y a un de, il y a un homme qui a été tué, donc, dans Mézières. Et cet homme-là, c'était un voisin qui s'appelait Charles. Et Charles, et après, j'ai croisé sa fille. Et j'ai raconté à sa fille que son père, il était mort. Donc, là, en ce moment-là, en fait, quand on annonçait la mort de quelqu'un, la personne était soulagée. On était soulagé de savoir que une de personnes qu'on connaît ou membre de notre famille et qu'il était mort. Parce que pour nous, c'était une sorte de passage. Donc, le fait qu'il ait déjà passé ce passage-là, pour nous, c'était, voilà, il était délivré, quoi. Parce que nous, on attendait, on savait pas quand est-ce que, comment on va mourir. Et là, donc, la chance, du coup, c'est que l'armée du FPR, il visait aussi cette colline-là, justement, parce que c'était un point stratégique. Parce que pour attaquer Kigali, il fallait quand même J'étais sur les hauteurs de Kigali. Enfin, c'était sur les hauteurs de Kigali. Donc, quand on est sur Ijali, on voit Kigali. Et du coup, c'était sur l'hôtel de Kigali. Et là, c'était un point vraiment stratégique. Et donc, il fallait que l'armée du FPR, en fait, prenne cette colline-là pour pouvoir justement attaquer Kigali. Et là, du coup, c'est pour ça que le 13, l'armée du FPR était là. Donc, on a été sauvés comme ça. Et donc, sauf qu'après, justement, cette armée-là était assez puissante pour venir à bout de l'armée ou tout. Enfin, pas du tout. Comme ça. Moi, je pense qu'en fait, l'armée du FPR était puissant parce que, enfin, c'est ce que même le président du Rwanda, donc, qui dirigeait la guerre en ce moment-là, ce qu'il dit, c'est que, ils avaient pas beaucoup, même ils racontent, enfin, surtout dans son livre, ils racontent comme quoi, en fait, quand ils ont commencé la guerre, ils avaient pas assez d'armes, en fait. Ça veut dire que, sur 3 militaires, ils avaient au moins une arme sur 3. Donc, ça veut dire, ils étaient pas très, très nombreux, sauf que c'est vrai, en ce moment-là, si toi, 94, même je pense que c'est, enfin, moi, je crois que c'est pour ça qu'ils ont gagné, c'est que beaucoup de soldats de l'armée du Rwanda, donc de l'armée de Hutu, il y en avait beaucoup, en fait, qui en avaient marre aussi de se battre, en fait, pour rien. Parce que, au bout d'un moment, il y en a beaucoup qui avaient compris que, les gens qui se battent en face, c'est les Rwandais communs, quoi. Qu'on leur faisait faire des actes. Exactement. Donc, il y a déjà un génocide. Il y a beaucoup de soldats, quand même, qui voyaient qu'il y a un génocide qui se passe. Il y a beaucoup de soldats de l'armée rwandaise. Parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi, donc, côté Hutu aussi, donc, côté de l'armée de Habyarimana, il y avait beaucoup des opposants. Bien sûr. Donc, des opposants qui s'opposaient déjà au massacre. Et aussi des opposants politiques, tout simplement, avec, voilà, opportunité politique aussi. Mais il y en avait beaucoup aussi qui... De toute façon, il y avait quand même deux populations qui étaient, de même culture, voilà. De même religion. Exactement. Donc, ce génocide ne s'expliquait que par la haine de quelques-uns, de dictateurs qui voulaient absolument, se débarrasser d'une partie de la population. Oui. Parce qu'elle était minoritaire et que qu'elle gênait en quelque sorte, qu'elle gênait leur dessein. Donc ça veut dire que l'armée du Rwanda, donc du Rwanda à ce moment-là, il y avait beaucoup de militaires aussi qui voulaient plus se battre, en fait, qui voulaient plus se battre. Il y en avait beaucoup qui rejoignaient l'armée du FPR. Donc c'est pour ça que moi, je pense que c'est pour ça qu'ils ont même réussi. Même si c'était d'origine Hutu. Ah oui, parce que, de toute façon, en fait, dans l'armée du FPR, déjà, ils étaient, la majorité, c'était des Tutsis au début. Mais au bout des moments, il y avait beaucoup, beaucoup de Hutus aussi. Donc, c'était plus, surtout qu'ils utilisaient même pas ce terme. En fait, et ils avaient déjà effacé l'ethnie. Est-ce qu'il y avait des Tutsis qui, dans l'armée, qui avaient participé au génocide? Dans l'armée du Rwanda? Oui. Non, parce que déjà, il n'y avait pas de Tutsis. Il n'y en avait plus. Ah, c'était interdit. Ah oui, c'était interdit des administrations, interdit de l'armée, etc. Oui. Donc, même et ça datait depuis 90 que véritablement les Tutsis avaient été écartés. Bien avant. Du levier du pouvoir. Ah non, c'est bien avant. Ça, c'est vraiment, ça datait depuis des années. Donc, ils ont commencé par ce qu'ils appelaient. Doucement, on avait discriminé toute une population. Toute une population, oui. Ouais. Donc il y a les Hutus, ils avaient les Tutsis, ils avaient pas le droit d'aller dans l'administration, les Tutsis, ils avaient pas les droits de faire les études supérieures. C'est pour ça que beaucoup de Tutsis, au Rwanda par exemple, les premières écoles privées, parce qu'il faut savoir qu'au Rwanda avant, les écoles c'était les écoles catholiques, les écoles publiques, surtout les écoles, enfin toutes les écoles en fait. Et à la fin, vu que les Tutsis justement, ils avaient pas le droit d'aller dans les écoles supérieures. Au bout d'un moment, c'est comme ça qu'au Rwanda, on a commencé les écoles privées. Parce que les premières écoles privées ont été créées par les Tutsis pour pouvoir faire les études. Et beaucoup de Pour avoir commerces accès à l'enseignement. à l'enseignement, oui. Donc, beaucoup de commerces au Rwanda, c'était des Tutsis parce qu'ils n'avaient pas le droit de faire autre chose. Donc, ils ont commencé à... Voilà. Et donc, dans l'armée, il n'y avait pas Ça de... ressemble un petit peu. C'est vrai qu'il y a des ressemblances avec la situation des Juifs en Oui, Allemagne, par exemple, voilà. ou dans certains pays, hein, parce qu'il n'y a pas eu que l'Allemagne, dans les années 30, Oui, les années 20, exactement. dans les années 30. Exactement. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc C'est-à-dire qu'on écarte toute une population des postes de responsabilité, de fonction, hein, de fonction dite régalienne, c'est-à-dire de tout ce qui concerne les services publics d'État, etc. Et puis tout doucement, bon, on les amène dans des ghettos, quoi. Hein. Oui. C'est pour ça que quand on commençait les études, en fait, dès le collège primaire, sur l'affiche, c'était Valens Kabarari, Tutsi et Hutu. Donc et voilà. Et après, quand on est rentré en cours, la première chose à faire, c'était de dire les Hutus, levez-vous. Les Tutsis, levez-vous. Donc on s'identifiait d'abord Ah, d'accord, il y par avait les déjà dit ethnies. cette époque une De l'école primaire, oui. discrimination. Ah, oui. On commençait par l'école primaire. Donc, comme ça, on grandit en sachant qu'on est tout de suite Tu es rentré à l'école à 5 ans ou 6 ans? 6 ans. 6 6 ans. ans, oui. Donc, moi, je venais de commencer, au Il fait, n'y avait pas de l'école primaire. maternelle à cette époque. La maternelle, à part dans les grandes villes, mais sinon, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Donc, moi, par exemple, je me souviens que quand je suis rentré à l'école primaire, donc c'est bien un petit peu avant le génocide, et là, ils avaient été obligés de parce qu'il y avait, donc là, au Rwanda, on disait première, deuxième, troisième jusqu'au sixième. Donc, de la première, moi, on m'a mis dans une école, dans la classe d'un Tutsi. Parce qu'il y avait A et B. Donc, première A et T'étais B. déjà identifié comme Tutsi. Voilà. Et là, on m'avait mis sur la liste de, en fait, si vous voulez, c'est que, il y avait des enseignants dans les premières, dans les tout petits. Et du coup, des enseignants, donc des classes. Et moi, on m'avait mis dans la classe de Hutu. Et là, vu que c'était des amis, ils se connaissaient, comment dire, ils se partageaient. Donc, ça veut dire que moi, je me suis retrouvé dans la classe d'un Tutsi. Et il y avait une classe, donc il y avait des Hutus, il y avait une classe, il y avait des Tutsis. Mais ça, c'était justement, vu qu'ils étaient obligés, en fait, de toujours, dans le matin, de dire les Tutsis, les Et Hutus, les les Levez-vous. enseignants, est-ce qu'on disait comment? C'était aussi les enseignants, ils sont aussi partagés entre les deux ethnies ou Ah comment? oui, c'était, oui, ils étaient Ah oui, vous partagés. étiez enseigné par des Tutsis. Des Tutsis et des Hutus. Il y a beaucoup de Tutsis, justement. Parce que Ah oui. quand même, l'enseignement au Rwanda, comme dans tous les pays, donc c'est comment dire, ils sont mal payés, donc voilà, donc vider la condition. Et ta scolarité, c'était en français ou en rwandais? Là où quand on commence du premier À jusqu'à, enfin 6 ans. l'école primaire, c'est en Kinyarwanda, et après c'est quand on monte à l'école supérieure, c'est là où on choisit soit anglophone ou francophone. Avant c'était francophone, mais aujourd'hui on choisit anglophone ou francophone. Donc moi je venais de commencer justement. Et là, comment dire? Donc on savait déjà un Tutsi et un Hutu. Donc dès le début on savait. Moi je connaissais tous mes amis Tutsi, tous les amis Hutu. Et il fallait pas jouer. Ou quand je jouais même avec eux, des fois il fallait comment dire? Il fallait savoir au moment où je dois partir. Ah oui. Parce que quand on jouait, par exemple, aux billes ou au foot et tout ça, au bout d'un moment, une fois que vous êtes fatigué et tout, à la fin, il venait vers moi pour me frapper. Donc ça, c'était, C'était vraiment, voilà, je savais, je décodais savoir au moment où je dois vraiment m'éclipser pour partir, quoi. Sinon, j'allais être le souffle de douleur, en fait. On a prévu une pause musicale, alors tu... Avec qui déjà? Je sais pas, j'avais choisi Cécile et Cayrébois ou Gaël Faye. Ben on peut s'écouter Gaël Faye avec Ah bah voilà, Petit on Pays. écoute. Voilà. Katoyi kauku kaniniya warafunwe ni wapuye waragowe ni wagoka kauku katoyi kauku kaniniya. Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque, loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des grands lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissény. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand? Kaugu katoyi, kaugu kaniniya, warafunwe ni wapuye, waragowe ni wagoka. Kaugu katoyi, kaugu kaniniya. Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude. Réputation recouverte d'un linceul, petit pays, pendant 3 mois tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de voyir quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption. Je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille. Seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil, d'un résidu d'étoiles filantes. Kaugu katoyi, kaugu kaniniya, warafunwe ni wapuye, waragowe ni wagoka. Kaugu katoyi, kaugu kaniniya. Un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre, j'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets quand on s'encanaille. Je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé trop longtemps de silence et d'aurore boréale. À force d'être trop sage, je me suis pendu avec mon auréole. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines, Bujumbura et ma luciole dans mon errance européenne. Je suis né il y a longtemps, un mois d'août, et depuis dans ma tête c'est tous les jours la saison des doutes. Je me navre et je cherche un havre de paix. Quand l'Afrique se transforme en cadavre, les époques, ça meurt comme les amours, man. J'ai plus de sommeil et je veille comme un zamou. Laissez-moi vivre, parole de misanthrope, citément un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre. Kaugu katoyi, kaugu kaniniya, warafunwe ni wapuye, waragowe ni wagoka. Petit pays, quand tu pleures, je pleure. Quand tu ris, je ris. Quand tu meurs, je meurs. Quand tu vis, je vis. Petit pays, je saigne de tes blessures. Je t'aime, ça j'en suis sûr. Warafunwe ni wapuye, waragowe ni wagoka. Kaugu katoyi, kaugu kaniniya. Nous reprenons l'antenne avec Valence Gabarari et puis nous parlions bien sûr de cette exposition qui va avoir lieu, c'est aujourd'hui déjà, oui. Du 10 au 24 septembre à la médiathèque intercommunale des Hauts-de-Vosges à Vannier, hein, avec différents thèmes. Alors on les abordera si on a encore un peu de temps tout à l'heure. Mmh. Hein, ce que, après les deux émissions qu'on avait fait ensemble sur ce... sur ce génocide des Tutsis au Rwanda, donc il y a 25 ans, il était bon de réexpliquer, d'expliquer, de réexpliquer ce qui s'était quand même passé, parce que un génocide n'arrive pas du jour au lendemain. Hein. On a vu au cours de l'histoire du XXe siècle, hein, on terminait là le XXe siècle, quand même des massacres. Hein. Ça a débuté avec les massacres des Arméniens, j'allais dire, il y a eu d'autres, hein, il y a eu d'autres massacres. Et malheureusement, ça continue même au XXIe siècle. Mais ce qu'il faut dire par rapport à ce génocide horrible des Tutsis, c'est qu'il y avait déjà une ségrégation entre deux peuples. Oui. Hein, on commençait à montrer du doigt finalement un peuple hein, qui était minoritaire au Rwanda. Hein, puisqu'il y avait à peu près combien 3 millions de Tutsis pour 1 million de... Un peu plus d'un million, un million deux cent, 300 000 Tutsis. En fait, si on regarde par rapport au récent, comment dire, études qui ont été faites par une ONG au Rwanda qui se bat contre le génocide, c'est que il y a eu 1 300 000, je crois, de Tutsis qui ont été tués pendant le génocide, et il y a plus de 500 000 rescapés. Donc, c'est vers c'est presque 2 millions de Tutsis pour à peu près, 2 millions de Tutsis pour à peu près 5 millions ou 6 millions de Hutus. Donc, sauf que là aussi, c'est ce qu'on a voulu faire. D'une part 5 millions, d'autre part 2 millions. 2 millions près. À peu près, oui. Sauf que là aussi, c'est vraiment, voilà. Parce que difficile de faire un recensement exact des populations. C'est très très difficile. Parce que comme on disait tout à l'heure, il y avait un mélange des populations. Il y avait aussi un mélange. Donc si on dit les Tutsis, qui est Tutsi, donc un Tutsi, c'est un enfant qui a un père Tutsi. Ça veut dire que l'ethnie est donnée par le père. Mais il y avait beaucoup de Tutsis, enfin du merde. Donc ça veut dire en fait c'était vraiment très très compliqué si on veut catégoriser et vraiment donner l'identité des Tini à un Rwandais. C'est très très compliqué. Mais je voulais te demander, par exemple, quand il y avait des mariages interethniques, j'allais dire, hein, entre Tutsis et Hutus, c'était mal vu c'est... C'était considéré comment, ou bien c'était normal, c'était non, naturel. C'était normal, mal vu peut-être par rapport au, si c'est un homme ou tout qui sont mariés avec une femme Tutsi, même c'est déjà, enfin, parce qu'au Rwanda, on disait souvent avec que justement les Tutsis, c'est tous les, enfin, donc les Tutsis, pour un ou tout qui sont mariés avec une femme Tutsi, c'était une sorte de, c'est bien, enfin, un riche, par exemple, un riche Hutu, il doit se marier avec une femme Tutsi. Parce que, ah oui, d'accord. Parce que pour elle, les femmes Tutsi, c'est le plus belle. Ça permettait de progresser dans la société. Voilà. Alors que c'est vraiment pendant la discrimination, justement, contre les Tutsis. Donc, voilà. Donc, pour dire qu'en fait, de toute façon, à part vraiment dans l'esprit, justement, des génocidaires, mais de la population rwandaise, il n'y avait pas une grande différence entre Hutu et Tutsi. Donc, à part vraiment dans l'esprit de ce génocidaire-là qui préparait le génocide depuis le début. Parce que là, comme on disait tout à l'heure, justement, donc là, les Tutsis avant et les Hutus, c'était une classe sociale, donc ça veut dire que les Tutsis qui élevaient les vaches. C'était des classes sociales qui avaient du mal de se mélanger quand même. Non, pas vraiment. Parce que avant la colonisation, les Hutus et les Tutsis, il n'y avait pas une différence. Et Hutu, il pouvait devenir un Tutsi. Un Tutsi pouvait devenir un Hutu. Donc, ça veut dire, c'est des au classes sociales. Classe sociale, tu veux dire. Oui, c'est des classes sociales, parce que ça veut dire. Tu passais d'éleveur à cultivateur, ou de cultivateur à éleveur. Éleveur. Donc, c'était très, très facile, quoi. Vu que c'était même pas quelque chose, comment dire, il y avait pas de barrières. Il y en avait pas. Donc, il y avait même des toits. Donc, le toit, c'est la troisième ethnie qu'on parle pas. Mais il y avait des toits aussi qui devenaient Tutsi ou Hutu, alors que c'est des toits, ils étaient vraiment, pour moi, c'était les toits, donc TWA. Là, c'était eux vraiment qui étaient discriminés, même depuis même, voilà, la ils étaient considérés un petit peu comme une population à part, sauvage. Voilà, sauvage, pygmées. Ouais, c'est des pygmées, voilà. Donc même je veux dire, même quand on le regarde en fait, et on pouvait le reconnaître physiquement, alors que les Tutsi et les Hutus, c'était quand même toujours compliqué de savoir un Tutsi et un Hutu. Oui, c'est ce que disait Angélique, voilà, lors de la première émission. Oui, la première émission, elle disait, moi j'étais Hutu, je ressemblais plus à une Tutsi. Ah oui, moi, au point de vue profil, quoi. Les Hutus et les Tutsi, c'est très très compliqué de les différencier, alors que les Toa, donc, et c'était facile, parce qu'ils avaient même un accent, donc il y avait un accent qui n'est pas... Voilà. Alors que le Rwandais, un Rwandais, un Hutu, un Tutsi, on parle même mais langue. Mais la langue rwandaise servait quand même de ciment entre ces différentes ethnies, entre ces différentes populations. Pas du tout, c'est le Kinyarwanda, c'est pareil. Et tout. Le Rwandais, il est né quand, finalement? Alors là, c'est vraiment, il faut voir avec les historiens, on dit qu'il y a plus de 400 ans, donc c'est un peu compliqué. Ah oui, d'accord. Pour moi, voilà. Tu en avais parlé la dernière fois. Oui, oui, donc là, c'est vraiment les historiens pour... En tout cas, donc là, avant la colonisation, on est un peuple, enfin, rwandais, pour moi, rwandais, déjà, c'est une ethnie rwandaise, pour moi. Parce qu'il y avait des Burundais, donc, qu'on a la même langue des aussi, Burundais. Presque, le Burundi, donc, dans notre pays voisin, qu'on a la même langue, on a la même, presque la même culture, donc, pour moi, il y a un Rwandais, déjà, qui est... C'est la colonisation qui a favorisé cette séparation entre le Rwanda et le Burundi? Oui, parce que quand ils ont coupé les frontières, de toute façon, avant le Rwanda et le Burundi, c'était des... Comment dire? Oui, c'était des pays. Il n'y a pas de frontières véritablement, quoi. C'était perméable. Voilà. Parce qu'il y a des rois un peu partout dans ce région-là. Il y a juste un fleuve entre les deux. Non, même pas. Donc, ça veut dire que là, il y a un Tutsi et un Hutu qui sont mélangés, qui sont pareils. Sauf que là, après les Belges, quand ils sont arrivés, enfin les Allemands avant. Donc, et ils ont trouvé une occasion de les séparer. Parce qu'ils trouvent, en fait, un peuple qui a une civilisation, parce que quand même, il y a une civilisation rwandaise. Quand on voit les rois, comment ils se sont succédés, comment enfin, tout ce qui s'est passé, on voit que quand même, c'est un pays dirigé depuis des années avec des rois qui sont en place. Et c'est vrai que nous, on n'avait pas des écoles. Enfin, si on avait des écoles, ce qu'on appelait itorero, ça veut dire que, à un certain âge, les jeunes, ils allaient apprendre à parler par exemple. Nous, on apprenait à parler, et à parler devant un public, à tenir un discours, on apprenait à sauter. Donc, il y avait Mais beaucoup la colonisation belge n'a pas imposé le français de prime abord comme langue officielle. Pendant tout ce temps de la colonisation, il y a quand même la langue est restée. Cette langue ancestrale est restée. Oui, de toute façon pour la colonisation, toujours on imposait ce qui est imposable. Au Rwanda, on pouvait pas imposer le français ou une autre langue, vu que justement ils avaient une langue rwandaise. C'est pas comme dans d'autres pays. Le Congo, bien d'autres sûr, pays où il y a imposé. Plusieurs, donc il faut imposer une langue pour avoir une langue, en fait, qui réunit tout le, voilà. Tandis qu'au Rwanda, tous les Rwandais parlent Kinyarwanda. C'est impossible. D'autant plus qu'il y avait eu une période de domination allemande. Voilà. Donc on pouvait pas imposer ça. Et autre chose, c'est que, on pouvait pas imposer, même la religion catholique, parce que on a imposé la religion catholique, même la religion catholique, on a adapté avec la religion qui existait au Rwanda. Ça veut dire, en fait, le Rwanda... C'était une religion animiste. Il y avait une religion du Rwandais. Donc, par exemple, Dieu, c'est Imana. Même jusqu'à aujourd'hui, on dit Imana. Alors, donc, on nous a pas appris à dire Imana, parce que même aujourd'hui, Imana, c'est Dieu. Même jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'ils ont adapté... Ancêtres. Il y avait la culte des ancêtres, mais qui correspond presque aussi au catholicisme, parce que aussi les catholiques, quand on dit les saints, donc là-bas c'était pareil. Ah oui, d'accord. Donc ça veut dire, en fait, ils ont adapté justement la religion rwandaise au catholicisme, donc ça veut dire qu'ils ont presque marié les deux, et du coup les Rwandais sont adaptés au catholicisme facilement, parce que c'était pas très différent de la religion rwandaise. Donc ça veut dire que, en fait, vu que tout, il y a rien, en fait, vraiment qui pouvait nous donner, qui justifiait, en fait, pour moi, qui pouvait justifier la colonisation, justement. C'est pour ça que, justement, ils ont essayé de diviser. D'accord. Ils ont essayé de diviser les Tutsis et les Hutus. Parce que, déjà, la religion, il n'y a pas grand chose à imposer ou grand chose à porter. À part, justement, essayer de les marier. Et il y a aussi, comment dire, l'école, il y avait déjà une structure qui était comme une école. À part que nous, on n'apprenait pas à lire, à écrire, on apprenait autre chose. À faire de la poésie, à tenir un discours. Ou à... Il y avait beaucoup, beaucoup de choses qu'on apprenait. Donc, il y avait, par exemple, ce qu'on appelle... au Rwanda, il y avait des gens, par exemple... Parce que, excuse-moi, t'interromps. Oui. Le rwandais était quand même une langue écrite, quand même. Non. Non, il n'y a pas du non, tout. Non. Ah oui, d'accord. C'était pas une langue ancestrale qui se transmettait oralement. Oui, même l'histoire. Parce que là, par exemple, on connaît l'histoire de rois, au moins depuis, comme je disais tout à l'heure, plus de 400 ans, on connaît l'histoire des rois. Parce qu'il y avait des gens qui étaient chargés d'être une sorte de bibliothèque, en fait, vivant, qui mémorisait tout. Et aujourd'hui, par rapport à la langue rwandaise, il y a quand même de l'écriture. Là, aujourd'hui, oui, il y a l'écriture. Il y a l'écriture, mais... Mais en fait, c'est une écriture qui a été adaptée, par rapport au langage parlé, quoi. Voilà. Les sons, tout ça, ont été adaptés. Exactement. Mais avant, donc, c'était pas une langue écrite. Enfin, c'était valable pour tous les peuples du monde. Oui, je crois. Oui. Il y a d'abord eu des traditions orales, une langue orale, et puis après, qui tout doucement, s'est fixé avec des signes qui répercutaient la phonétique de la langue parlée. Mmh. Donc elle a en fait, avec des emprunts que souvent d'ailleurs à la langue latine, à l'Asie, que sais-je encore, en sanskrit ou autre. Donc voilà, donc le Rwanda est comme ça, la colonisation, donc on n'a pas grande chose à imposer ou à apporter, donc ils ont commencé à diviser. Donc, sauf que ça tombe quand même à la période aussi où, même en Europe, on essaye d'ethniser, c'est dans les 1930, donc on voit l'époque exactement où on essaye de chercher. Donc c'est pour ça qu'on a commencé en disant ok, les Tutsis, c'est des Hamites, donc c'est des Européens qui sont partis du Rwanda. C'est pour ça qu'ils ont tout ça, en fait. Ça veut dire que pour eux, c'était impensable qu'un Noir... On déformait l'histoire, voilà. Alors que c'est le contraire. Quoi. Exactement. Donc là, c'est comme ça qu'on a commencé. Donc on mesure les nœuds, on mesure les os pour... Donc, oui, c'était. Parce qu'à l'époque, il faut savoir qu'à l'époque, le roi, par exemple, à l'époque, il mesurait plus de 2 mètres. Il avait 2 mètres 20. Donc c'est vrai que voir... 2 mètres 20 tout... Oui. Regardez dans tous les pays africains, donc on trouve les Noirs petits, un peu costaud, et on arrive au Rwanda, on trouve les Noirs plus grands, plus de 2 mètres 20, enfin, et en même temps, qui avec un pays dirigé par un roi, comme ici en Europe. C'est valable dans toutes les ethnies africaines, quand même. Hein. Je crois la grandeur, quand même, que ce soit n'importe, même chez les Bantous, les Peuls, etc., on trouve quand même des individus de grande taille. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. C'est pas faux. Sauf que c'est vrai. Au fait, là où, c'est pour ça qu'ils ont peut-être cherché les peuples, enfin, africains grands, c'était souvent des éleveurs. Donc, quand on voit les pères, c'était souvent des éleveurs. Je pense que c'est ça aussi qui les poussait à chercher. Alors que c'est plus facile pour moi de trouver si quelqu'un vit par le lait, et derrière ses vaches, forcément, il va pas, voilà. Alors que l'autre, il vit par la culture, donc, avec un ou, toujours accroupi, ça ne favorise pas tellement. Bah oui, donc, et puis souvent, les enfants travaillent très tôt, et donc, ça ne favorise pas leur croissance. Mais voilà, la croissance. Donc, c'était facile à trouver directement le pourquoi, mais au lieu de chercher, en fait, l'origine, non, ils sont différents et tout. Donc, et là, donc, c'est pour ça que, donc, pendant cette période de colonisation, ils ont favorisé, donc, déjà ça, déjà catégorisé. Ça ne veut pas dire qu'il est discriminé. Là, il n'y avait pas vraiment la discrimination. C'est tout simplement les Tutsis. Vous êtes comme ça, votre origine, et c'est ça, et ça, et ça, et ça. Mais il faut rentrer dans, voilà. dans certains critères. Quoi. Voilà. Allez, j'étais gérant, bien entendu. Hein. C'était pendant les années 30, déjà en Allemagne, puis après dans d'autres pays européens, le juif avec son nez crochu, etc. Oui, voilà. etc. Voilà. Alors que ça ne. Hein, c'était comme le syndrome de l'Arien, ça ne représente absolument rien du tout. Ça ne représente rien du tout. C'était fabriqué simplement dans des buts de propagande et puis pour préparer de la discrimination. Exactement. Puis après le génocide. Le génocide, voilà. Donc c'est pour ça qu'au Rwanda, c'est pour ça que moi je dis que le génocide vraiment a été préparé depuis cette période-là déjà. Et après, donc là, c'est l'indépendance. L'indépendance, c'est-à-dire qu'il y avait déjà discrimination entre deux ethnies, mais il suffisait d'une étincelle quoi, pour provoquer ce génocide. Ouais. Parce que sinon, la discrimination avait déjà commencé par l'identification d'un Tutsi, son origine, pourquoi il est là, il est venu d'ailleurs pour dominer le Hutu qui était au Rwanda au début. Donc voilà, parce que pour eux, en fait, les Twa, donc les Pygmées, c'était eux les vrais Rwandais donc, qui sont autochtones. Après, il y a les Hutus qui arrivent en deuxième, et les Tutsis qui sont arrivés plus tard et qui ont dominé. C'était certainement au début des éleveurs nomades. Voilà. Et là, ils se sont fixés. Et là, pour les Hutus, donc, ils se disent, OK, les Tutsis sont venus pour nous dominer. Et là, en plus, c'est là où ils ont été très, très malins, c'est que, à cette époque-là, le Tutsi, c'est le Tutsi qui avait le droit de faire les études. Donc, quand quand les colons ils ont créé les écoles, c'était pour les Tutsis, c'était pas pour les Hutus. Ils ont créé les écoles pour les Tutsis, justement parce qu'ils disaient en fait. C'est-à-dire que là, les Tutsis ont passé pour une ethnie privilégiée. Voilà, privilégiée parce que pour eux, en fait, c'était le plus intelligent. Ils sont nés pour diriger, et les Hutus ils sont là pour obéir. Même il y a pas mal de films et de documentaires qu'on peut trouver, il y a des livres en fait qui expliquaient comme quoi les Tutsis ils sont très malins, ils sont intelligents, les Hutus ils sont obéissants. Donc ils créaient des critères physiques mais en même temps aussi intellectuels, voilà, beaucoup. À partir de caricatures, on arrive à faire n'importe quoi, hein, à démontrer n'importe quoi. Exactement. Ouais. Donc voilà, c'est à partir de ce moment-là et jusqu'à 84. Alors, je reviens un petit peu en arrière, oui. Je te repose la question, parce que finalement le Rwanda a été libéré de cette emprise d'un gouvernement autoritaire et génocidaire. Oui. Quand est-ce que vraiment la guerre s'est achevée? S'est achevée le 4 juillet 1994. D'accord, donc c'est là dire où trois mois après les fameux 100 jours que tu as écrit dans ton livre, hein, voilà. D'horreur, de massacre, de quelque chose d'insoutenable, bien sûr, pour celui qui garde des qualités humaines. On a l'impression véritablement d'un cauchemar inédit, quoi. Alors que ça s'est produit, bien sûr, depuis le début du siècle dans d'autres pays. Hein. Oui. Donc là, le 4 juillet, le Kigali est libéré et l'armée du FPR donc. Il y avait encore des escarmouches, il y avait encore des luttes au niveau. Non, c'était fini. Ah non, c'était pas fini. Oui, il y avait toujours ça. Le 4 juillet, la capitale était prise, le nouveau gouvernement était établi. Était établi, mais c'était un gouvernement mixte alors, si je comprends bien. Oui, il y avait quand même. Oui, mais nous, même depuis le début du FPR, parce que déjà le président du FPR, il était Hutu. Donc il faut pas dire. Ah bon, d'accord. Ah, mais il était Hutu. Ah oui, non. C'est vrai que les Tutsis étaient majorité dans cette armée. Mais au bout d'un moment, c'était plus. C'est là qu'on voit quand même c'est le rôle néfaste de l'armée française et même de l'ONU dans cette histoire-là, parce qu'ils ont quand même soutenu un gouvernement qui était soi-disant légitime, bien sûr, hein, mais d'un pratiquement de parti unique. Et parce qu'ils étaient considérés internationalement comme légitimes, on a soutenu finalement indirectement les génocidaires. Ben oui, ben oui. Mais de toute façon, ils auraient dit. On a même provoqué le génocide en quelque sorte. Ben oui. Mais vous savez comment on veut jouer vraiment les Européens en particulier ont joué les apprentis sorciers dans cette histoire. Ben oui. Donc là, il y a pas longtemps, là, quand on débattait justement sur là, quand on disait que le président Abdelmane a été soutenu par la France parce qu'il était le président légitime et parce que c'est le président élu. Mais vous savez comment on élisait un président au Rwanda avant le génocide ? C'était par les couleurs. Il y avait le couleur violet et le couleur je sais plus. C'est-à-dire et après, il fallait voter. T'es où tout intérêt à... Non, en fait, lui, il est président. Donc, pour aller voter, il y avait une couleur qui présentait le président et une couleur qui présentait rien. Donc, il fallait choisir. Donc il y avait une couleur, je crois que c'est plus un référendum. Voilà, c'est un référendum. Voilà, c'est comme c'est ça. Pas, c'est oui c'était... ou non pour que le président reste au pouvoir. Donc c'est parce qu'il y avait une partie unique, MRND. Il n'y avait pas d'autres partis. Donc il y a une partie unique, il y a un président unique. Il faut voter entre la couleur violet ou le président. Comment on peut? Et tout ça organisé par justement si son président. Pas le violet, si on n'aime pas le violet, bon, on vote pour le président. Quoi. Mais voilà. Donc ça veut dire que si même le violet, en plus on comptait mais pas. Comment que la communauté internationale a pu cesser abuser à ce point-là par rapport à une situation. C'est ça moi aujourd'hui que je trouve justement incompréhensible parce qu'on est quand même. Moi, je suis français d'origine, je me sens un petit peu responsable de ce génocide. Parce que là, il y a un président quand même qui dirige un pays pendant 30 ans, qui est voté comme ça. Il y a la France qui soutient le début. Il y a donc l'armée Diouf qui rentre au Rwanda pour justement... Parce que avant quand même de prendre les armes, ils ont essayé de négocier justement parce qu'ils disaient, nous on est Rwandais, on a envie de rentrer dans notre pays. Bien sûr. Et le président, ce qu'il fait, il dit non, vous ne pouvez pas rentrer, le pays est trop petit. En fait, il y avait même eu des tentatives précédemment de gouvernements à majorité Hutu qui voulaient quand même intégrer des Tutsis. Mais ceux-là, ils n'ont pas été écoutés ou même ils ont été trucidés. Le premier ministre, la première victime du génocide des Tutsis du Rwanda, c'était un premier ministre Hutu. Qui s'appelait Agathe, qu'on voit dans le film, j'ai déjà, pas 100 Days, il y a... Et où on peut voir ce film, alors? Il y a beaucoup de films. Vous allez le passer à la conférence, à Vanier? Oui, je sais pas si, mais ça, c'est quelque chose, parce que là, ça fait pas longtemps non plus qu'on a commencé à parler de ce génocide ici dans les Vosges. Donc, moi, c'est vrai que j'aimerais bien, il y en a beaucoup de films comme ça qui ont été faits sur le génocide de Tutsi du Rwanda, que j'aimerais bien faire passer. Il y a cette exposition-là. C'est vrai que l'image parle mieux que les paroles. Oui. J'aimerais bien voir avec, parce qu'il y a le film justement, sur la Romero Dallaire, donc le général qui était au Rwanda, donc le général des Nations Unies qui était chargé des missions donc au Rwanda. Donc il y a un film qui est fait sur lui. C'est là où on voit justement parce que lui il était chargé justement de protéger le premier ministre Agathe, Uwilingiyimana Agathe, qui était Premier ministre, par les accords, vu qu'elle était dans l'opposition. C'est elle qui a été tuée en premier, avec 10 casques bleus belges qui le protégeaient. Le comité a voulu éliminer des communistes et des socialistes dès le départ, bien avant les juifs pour pouvoir prendre le pouvoir. Quoi. Voilà. Tous ceux qui prêchent la réconciliation nationale qui essaye de rassembler, c'est les premiers visés souvent. Donc c'est là où quand on parle de la dernière fois, justement quand on parlait le rôle de la France dans ce génocide, déjà il y a l'armée française au Rwanda, on voit que quand même on vient de liquider la première ministre, avec les casques bleus belges, il y avait 10 soldats belges qui protégeaient la première ministre, ils ont été liquidés, donc, mais avant que le génocide commence. Et là, on continue quand même à soutenir. Ah oui. Malgré tout, c'était à l'époque, il y avait les Nations Unies, bien sûr, mais oui. il y avait Il y avait aussi Chirac et puis Mitterrand qui étaient au pouvoir en cohabitation, je crois, à cette époque-là. Cette conversation est particulièrement intéressante. Hein. Je crois qu'il faut revenir sur certains faits. Hein. On a parlé longuement du génocide. Il faut aussi tirer les leçons de l'histoire. Et puis c'est ce que vous essayez de faire. Vous, ce que j'essaye. Pour surtout ne pas oublier. Hein. C'est important. Mm. C'est important de ne pas oublier ce qui s'est passé parce que c'est véritablement nous-mêmes aussi en France qui sommes au centre de cette histoire du génocide. Alors, je reparle encore de l'exposition du 10 au 24 septembre, donc c'est à la médiathèque intercommunale de Vannier, des Hauts-de-Vosges. Voilà, alors, avec plusieurs parties dans l'exposition, Rwanda 1994-2014, l'œuvre des veuves. Oui, alors, peut-être si j'explique. C'est effectivement. En fait, l'œuvre des veuves. C'est un photographe lyonnais, je crois. Oui, il est lyonnais. Il a fait des photos de 94 à 2014. En fait, ça veut dire qu'il a fait des photos des veuves. Après, il est parti au Rwanda un peu plus tard pour reprendre les mêmes photos. Donc on voit il y a beaucoup de photos de veuves de qui élèvent les orphelins, et donc c'est des belles photos à voir à Vannier justement dans cette exposition. Après Tutsi, parole de rescapé. Alors Tutsi, parole de rescapé, là c'est la toute première pièce de théâtre que je vous avais parlé. Présentez votre pièce de théâtre. Là c'est une autre pièce de théâtre qui était basée sur des témoignages. Donc c'était des rescapés, on faisait un groupe de paroles, après on témoignait et du coup on a transformé ça théâtre. Mais là, lors de cette exposition, il y a pas, vous jouez. Non, là on joue pas en fait. Et là c'est aussi un photographe qui a pris les photos des acteurs. Et après il y a une petite histoire. C'est essentiellement une exposition. Là c'est une exposition qui est là. Puis t'as la conférence bien sûr. Et la conférence jeudi 19 par toi-même. Voilà. Jeudi 19 à 17h, à partir de 17h, et moi je ferai la conférence. Donc l'exposition photo, il y est dès aujourd'hui jusqu'au 24 septembre, il y a ces photos-là. Après, donc il y aura mon livre, c'est... Bien sûr, voilà. Bien sûr. Et puis je pense qu'on continuera à l'annoncer, hein. Merci Lia d'avoir repris le relais. Merci Marion d'avoir assuré la technique aujourd'hui. Après, j'ai un extrait de vidéo de la pièce de théâtre qui est en train de se faire en ce moment. Si vous voulez, on va le mettre sur peut-être votre Facebook de l'émission. Ah bah oui, alors. je laisse la priorité à Lia parce que moi-même, techniquement, au point de vue technique, je suis un peu limité. Voilà. Je sais parler, mais pas grand-chose faire d'autres choses. Voilà. Eh bien, merci Valence. Merci beaucoup. D'être revenu. Merci. Et puis donc, cette exposition du 10 au 24 septembre, nous invitons bien sûr nos auditeurs à venir à Vannier. Voilà. Ben, bonne fin de soirée à toutes et à tous. Et puis, rendez-vous mardi prochain pour le magazine Santé avec notre partenaire Jean Tisserand.